émission, une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Lino. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée, le Planète Rap consacré à Lino, la deuxième semaine, mine de rien, qui arrive bientôt à la fin. Ouais, on arrive, on a encore jeudi. Deux soirées à passer ensemble avec Lino. Ouais, aujourd'hui et demain. Ouais. Voilà, tout va bien ce soir. Ni hao. Mais ni hao. Voilà, pour tous les Chinois ce soir. Ouais, ouais, pour c'est vrai que tu attaques le marché les chinois. Les Chinois de France. Avec, je suis sur une affaire. Avec deux, trois frères. Voilà. Avec un album qui s'appelle Requiem qui sortira en Chine. Chéché. Voilà. Beau marché à développer. Je ne parle que chinois ce soir. Beau marché à développer en tout cas, Lino, hein, là-bas. Ah, t'inquiète pas. Du monde, hein. J'ai des connexions. T'as des bonnes connexions ? J'ai des connexions. Bon, tout va bien. Il y a mon gars Pharamon qui est là. Qu'on salue. Et là, vous l'avez pas vu ? Il est là derrière. Choki Pharamon. Bon, et bah, bienvenue, voilà. Bienvenue à tout le monde. Connexion vietnamienne. Des invités chinoises. Lino, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans ce spécial Chine de l'émission, qu'est-ce qui va se passer ce soir dans l'émission? Oh, des choses. Des choses, du live, des invités? Ouais, toujours on improvise. Bon, et bon, on les découvrira. Je suis un grand gars de l'impro. Eh ben, on découvrira ça tout à l'heure sur Skyrock entre 20 et 21. Et là, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir. C'était encore une émission chargée hier soir avec Lino, ça donnait ça. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. C'est la deuxième semaine avec l'album numéro 1 des ventes, hein, Requiem, tout se passe bien. Ouais. Bah, ce matin, au réveil, tu étais voir si tu étais toujours numéro 1. Non, je vais pas voir, mais on m'appelle. On m'appelle le matin à, on 7 te le dit. À 7h25. À 7h25, tous les matins, on t'appelle, on dit. Ça s'est bien passé hier soir. Hein. Ouais, voilà. Ouais. On saluera dans un instant un garçon qui est à tes côtés, Lino, qui vient d'arriver, qui s'appelle Jean. Bon, on peut le saluer maintenant. Yes, qui s'appelle Jean-Michel Correa, qui vient de réaliser un film qui est sur les écrans depuis aujourd'hui. Ouais. Un film qui s'appelle Sous X. Bah, bienvenue, Jean-Michel. Merci. Je suppose que tu connais Lino. Bien sûr. Donc ça, c'est sur la bande son du film. C'est le générique. C'est le générique. Ça commence un petit peu sur les dernières. Et alors, il y a qui dessus? Générique. On a Baladib qui sont ici présents. On a Diro. C'est une production One Blood. C'est un petit collectif de Châtenay-Malabry, Châtenay-Mala, 9 de Sud. Et il y a WS aussi qui a participé sur un autre morceau. Et c'était voilà sous la supervision amicale et artistique de Cut. De Cut. Voilà. Cache et si gentiment, plus facile de déclarer la guerre que ses sentiments. Dans la colère, avec tous les bons sentiments. Une liberté mise en cache et si gentiment, plus facile de déclarer la guerre que ses sentiments. Et un invité qui vient d'arriver après Jean-Michel qui est là après le film Sous X. C'est pas un invité ciné, quoique. Non, c'est monsieur Fally. Fally. Monsieur Fally Poupa qui est là avec nous, bienvenue. Merci. Ça va bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Et ben un petit mot Lino alors sur cette rencontre avec Fally qui est sur ton album, on va passer le morceau. Voilà, c'est comme on dit, c'est un pays, comme on dit. Voilà, c'est un même pays. Voilà, exactement. Voilà, et moi j'avais envie de faire ce morceau qui parlait de l'Afrique. Et l'Afrique ou et l'homme noir en général. Planet Rap. Quelques rues du paradis, je suis né. Le poids de l'histoire fait pencher mon berceau. Crever les roues de ma destinée, ceinturé par les drames, les flammes forment un cerceau. J'ai piétiné le doigt de l'enfer, un continent en morceaux. Les chansons font pas les révoltes, les accompagnent. Y'a le blues, y'a la reggae, du mbala, de la rumba, le compas, qui cogne en balade. Entre les rires, les machettes, parfois on a du mal à s'élever. Quand faut remplir l'assiette, on prend un gai. Même si on a les gros, la table, c'est toi qui va la dresser. C'est le retour du bon rap, pas du messie. Comme le marchand de glace l'été en bas dans la Tessie. Hey, mes frères ne sont pas mes adversaires. Quand on est ensemble, on bosse et on est fiers. Pourquoi tu parles pour ne rien faire? Mets-toi sur la file de droite, man. Ici c'est solide. Lino c'est solide. Tu sais, solide. Arsenic, solide. Hey. Planet Rap. Le Planète Rap de Lino avec un gros live aussi, Jamadom qu'on salue, hein, qui était là hier soir. Ouais, Jamadom. Ouais, parce que il y a eu, c'est bien que tu m'en parles parce que il y a une couille sur son blaze. Ah, je sais pas, je sais pas, ils ont dit Jamadom ou je sais pas. Non, Jamalol. Jamadom, genre, truc chelou qui se passe. Ouais, non, c'est Jamadom. Donc, les frères qui bossent sur le queutru, faut bien préciser, c'est important. Mais il est là. C'est un putain d'artiste, c'est le poteau et Jamadom. Regarde.

lune, c'est le soleil des loups. On blâme la bombe, parce que lui qui l'a amorcé. Le fils est insomniaque, qui a des traces de piqûres sur les bras de Morphée. Le game est truqué, ils veulent que je mette un bémol. Tous hypnotisés par l'écran, éduqués par un démon. Des questions connes sans réponse, savent plus quel dieu invoquer. Surtout ne pas se poser les bonnes, comme à quoi ça sert de voter. Encore à moins qu'ils fassent un putain de froid polaire. En enfer, je sais que c'est les fous qui ont raison. Je fais confiance qu'aux hommes en colère. Les saisons crèvent, on chie pas de pif. Alors on rêve une fois dans le sas, pour braquer un peu de grip. Je lis l'évangile selon Goldman et Sachs. Tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi quoi tu rêves, il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai tes silences. Rêve et de cendre à l'instant, c'est extrait de l'album Requiem, l'album numéro 1 des ventes avec Lino, notre invité tous les soirs entre 20 et 21. Yes. Calbo est là. Pour ma femme Amina et ma petite Marina. Qu'on salue. Qui écoute le track. Et ben, qu'on salue aussi. Qu'on embrasse fort. On l'embrasse tout le monde. Spécial pour les bonnets rouges aussi. Voilà. C'est moi le bonnet rouge. Il a cherché au-dessus de ta tête, il cherche. Ouais, je me suis merdé parce qu'il y a un bonnet rouge. Ah bah, il y a un breton en face de moi, il est là. C'est moi le breton. Je suis un congolo breton. Un congolo breton qui est là avec nous tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Yes. On fait un petit tour de table parce que j'ai l'impression que ça s'agite. Ouais, ça s'agite. Les mecs, ils sont agités autour de la table. Des gesteurs. Là, ça attaque sur la droite. Il y a un monsieur à côté là. Et vous rivalisez en paire de lunettes de soleil d'ailleurs tous les deux. Non, lui c'est un spécialiste. Ouais, moi je suis un peu en mode Paul Narev. Tu es débutant. J'ai les bêtes de yeux, mais je cache toujours mes yeux. Mais là, il y a monsieur Alibi Montana. Alibi, comment va ? Sur ma droite. Ça va, Fred, salut. Hein. En pleine forme ? Pleine forme, bonne année à tout le monde. Et bah, bonne année à toi aussi. Lino, félicitations encore. Comme tu disais tout à l'heure, je passais dans les magasins, j'ai vu que ça bougeait. Et voilà. Est-ce que tu l'attendais toi aussi, cet album là de Lino ? Bien sûr, normal. Je l'attendais comme beaucoup d'amoureux du rap, je pense. Et c'est bien parce que ça remet les idées au clair. Et je pense que on est dans une période dans le rap où faut un peu remettre les idées au clair. Et il faut que les gens aussi apprennent ce qu'est l'histoire du rap. Voilà. Et je pense qu'avec l'album de Lino, il y en a beaucoup qui vont apprendre l'histoire du rap. Et peut-être qu'ils peuvent aussi aller se pencher sur, en effet, sur Arsenic, tout ça, parce qu'il y en a aussi peut-être qui vont découvrir Lino. Bien sûr. Et sur d'autres choses aussi. Voilà. Et sur d'autres choses aussi, oui, bien évidemment. Cette période-là, surtout. En tout cas, cette période. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont l'impression que le rap, c'est maintenant. Il faut qu'ils fassent la vraie histoire. Voilà. Il y a des gens qui ont défoncé des portes et juste histoire qu'ils puissent se cultiver. Voilà. Et il y a un gars aussi sur la droite là-bas qui me regarde avec un regard méchant. Monsieur Maxon, de son monsieur nom. Escobar Maxon. Yes. Ça va bien ? Monsieur Escobar. Ça va tranquillement, hein. En pleine forme ? Toujours. Bon, et bah, bienvenue dans le Planète Rap. Toi aussi, même question, tu l'attendais cet album de Lino ? Oh, ce sont des questions qui se posent plus. Hein ? Je la pose quand même, tu l'attendais ? Bah ouais, je l'attendais. Et bah, il l'attendait et je l'ai acheté. Voilà. Très bien. Il t'a plu ? Il m'a plu, mais il faut que je le réécoute encore. Il est bon, lui. Là, sortez ce monsieur, s'il vous plaît. Ce monsieur m'a l'air mitigé. Sortez-le. Oui, c'est vrai que tu as l'air mitigé. Sécurité. Non, tu as l'air mitigé. Non, il est comme ça. C'est comme ça qu'il parle. Il est toujours sur la défensive. Non, quelle défensive ? Je connais l'animal. Non, mais il a raison, il faut toujours l'écouter. Non, il y a plein de punch technique. Tu vois, c'est un rappeur en défense. C'est un biologiste, c'est un physicien, tu vois, donc faut décoder. Donc ça prend du temps, c'est pas des trucs qui s'écoutent one shot, tu vois. Contrairement à ce qui se fait actuellement, Après, on va dire, je parle encore méchamment, je crée la polémique, c'est un peu, on est un peu dans le pipi caca, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aime bien me casser les burnes, écouter, décrypter, pas des choses qu'on te balance comme ça et, voilà, le rap c'est de la cuisine, il y a différents ingrédients, tu manges, il faut que tu saches, ah voilà, non, ça c'est machin, il y a du poivre, il y a ceci, il y a cela, tu vois. Yes. Si on te présente une banane, tu sais que c'est une banane, quoi. Voilà. Yes. Eh bah, belle description en tout cas, c'est des. Ouais, il y a aussi, il y a aussi Sofiane qui est là. Sofiane qui était là avec nous la semaine dernière, qui est sur l'album de Lino aussi. Avec nous, ça va bien, Sofiane? Ouais, ça va, super. Oula. Bien. Et c'est quoi cette voix, mon frère, dans Corleone? C'est quoi cette voix dans Corleone? Sofiane Corleone, quoi. J'étais en studio toute la journée et j'ai éclaté ma voix, c'est tout. Ah, c'est ça? Ouais, voilà. Un peu de miel. Vous inquiétez pas, si ça rappe, vous inquiétez pas. Bah, si, on peut s'inquiéter un peu. Regarde-moi bien, Renaud. Mon frère, t'as une voix putain de dégueulasse. On peut s'inquiéter un peu. Et derrière, il y a Je partage la chaise avec ma copse. Léa, mademoiselle Léa Castel. Ça va bien, Léa? Salut, ça va super. Il paraît que tu es présente aussi sur cette vidéo. Elle a fait le piano et les voix sur le morceau Jardin des Ombres. On en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière. Bah, bienvenue, ouais. Léa, ça va? Tout ça se passe bien, tu bosses toi aussi? Exactement. Voilà, tu as vu aussi, tu as suivi aussi l'enregistrement de cet album de Lino. Oui, j'étais un peu là, j'ai un peu vu, j'ai un peu entendu. Et voilà, très très très fier d'être sur cet album. Voilà. Et ben on la retrouve aussi sur l'album qui est sorti depuis lundi. L'album numéro 1, on finit le tour de table, j'ai envie de dire, Lino. Ben, le tour de table. Avec quelqu'un qui nous vient de Bordeaux, qui est un geste. Ah oui, ah là là. Ah, t'as oublié. Non, mais moi, on me respecte pas, j'ai même pas de chaise. Pourquoi autant de sensibilité? Est-ce qu'on peut trouver une chaise, s'il vous plaît? Non, chaque chose en son. Est-ce qu'on peut trouver une chaise pour Sam, s'il vous plaît? C'est pas grave. On rappelle que le monsieur est comédien, qui risque d'avoir le César. Enfin, le gars fait des tours. Ah, Inch'Allah, c'est toi, on fait tout. Ouais. C'est monsieur Sam qui est là aussi. Tiens, Sam, il y a une chaise juste là-bas. Regarde. Voilà, regarde. Donc, on t'amène une chaise, tout va bien. Sam, c'est que ça fait que t'allais te lever. Attends, t'es là, ça fait deux semaines. Il y a un autre blackos qui me fait des regards en coin sur le côté. Sam, comment va? Ça va, on est là, Fred. Hein. En pleine forme? Tranquille, ouais, en pleine forme, hein, ça se passe. Hein. De retour de quoi? De Bordeaux, de Paris? Non, je suis là, ici, ailleurs, tu connais, hein, gesteur, je suis un peu partout. Hein. Là, on bosse. Toi, tu bosses sur ton projet aussi? Ouais, il y a l'album, là, J'ai Grand, qui va sortir bientôt, Charles. Là, on a sorti le PGS Life Revolution, et puis après, des tournages par-ci, par-là. Bon, bah, même question que tout le monde, Lino. Bah, t'attendais Lino, cet album? Le retour du prof, hein. Le prof. Ah ouais, bah, tu connais. J'aurais bien aimé avoir un prof comme lui. Non, mais en plus, une petite anecdote, je t'ai passé voir Tofa en studio, il était là et j'étais venu faire écouter quelques morceaux de l'album et tout ça. Et Talino, il écoute et il me dit putain, dommage que ça risque pas de marcher. Du coup, je dis waouh. Il me dit mais parce que c'est du bon rap. Hein, c'est un des meilleurs compliments que j'ai pu avoir. En plus, c'est de Monsieur Bord, donc franchement, ça fait plaisir. Puis quand on voit qu'en plus ça marche bien pour Monsieur Lino et ce donc, ça rap donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir, ça donne la force. Oui, nous sommes là pour l'espoir. Voilà, l'espoir avec cet album. Parlons d'espoir ce soir. En effet, parlons de l'avenir aussi. Voilà, il y a beaucoup de négativité. Parlons d'espoir, parlons de réunion. Tous les mots en yon, c'est très important. Et ni hao, pignon. Très important pour tous mes frères chinois, c'est important. Pense au pognon. Attention, on n'a pas fini parce qu'il y a aussi un autre gars qui est là. Il parle pas, mais il a mis un perfecto. Il est sérieux dans son truc. Je connais le type. Il est sérieux. Il est venu avec un chiquezi. C'est monsieur Nak Mendoza qui est là aussi avec nous. On parlait de lyriciste, il en fait partie aussi, Nak Mendoza. Voilà, c'est mon gars Nak, il est là, il est sérieux, il est dans le coin, mais il parle. Ouais, on est là, tranquille. Ça va bien, Nak? Ouais, ça va, tranquille. Hein. En pleine forme, j'écoute un beau morceau de Nak là. Si je dis pas de bêtises, c'est Altitude. Altitude, ouais. Voilà, Altitude, le nom du morceau de Nak Mendoza. Merci, c'est cool, on essaye, on se bat, hein. C'est ce qu'on fait. C'est un enfoiré. Francis, non, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être là pour. Pour Monsieur Bourse, bon après, bon, toute la semaine, je pense qu'on lui a assez. Hein, ça va, oh quand non, même. Ça va quand même. Commence pas la vulgarité, le frère. Pas de vulgarité. Non, ici. Mais tranquille, ça. Nous sommes dans les fleurs, ici, c'est sérieux. C'est vrai. Du jet des buissons. Et, voilà. Et d'ailleurs, donc, je pense que s'il y a du monde, ça va kicker dans quelques minutes aussi. J'espère. Sofiane, il est chaud, hein, depuis tout à l'heure. Il est chaud depuis. Sofiane, il est bouillant. Sofiane, il est chaud depuis trop longtemps. Il a plus de foie, mais. Il boue, c'est smog. Ah ouais, je sais pas ce qui se passe. C'est le dragon smog. Il est chaud. Ça échange les regards avec Escobar Maxeur. Arrivé de tequila. Avec un sale bob. Tiens, donne un peu de sirop à Sofiane, ça va lui faire du bien.

Wolfgang. J'arrête pas, j'éclaira des plans hors demande. On fait un tragique, je compose des gros concertos en do majeur. Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang. Lino avec Wolfgang à l'instant, c'est extrait de l'album Requiem sur Skyrock. Lino, on va vite revenir dans un instant, j'ai vu aussi une autre arrivée. Monsieur Dossé qui est là derrière. Il y a Dossé qui est là. Dossé. Ah là, Dossé. Il est là, Dossé. Tu peux venir, soir, Dossé, quel plateau ce soir dans le studio de Planète Rap. Dossé, comment va? Très très bien, et vous? Eh ben écoute, en pleine forme, ça va, tout se passe bien pour toi. On voit les différentes vidéos qui arrivent, les sons qui arrivent et tout. On essaie, tu m'as l'air très en forme là pour ce début d'année. Ouais, on bosse, on essaye. Bon, tout va bien? Très très bien. Prêt aussi pour le live dans quelques minutes? Très très prêt. Regarde Sofiane, il est là, il va pas te jeter des regards. Ah, ça va se castagner aujourd'hui, on dirait. Hein. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Mais il n'y aura pas de bif sur la table. Bon, ah oui, c'est vrai. Mais il n'y aura pas de bif sur la table. Arrêtez de vous branler avec vos castagnes. Non, c'est de la connerie, tranquille. C'est hip-hop. On est là, on va s'amuser, aucun. On rap et on kiffe. Personne n'est venu avec les mallettes. Moi, je suis là pour ça. Mais pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Parce que je te connais. Parce que je te connais. Bougez pas dans un instant. Je te connais, t'es un gars suspect. Justement, comme le disait Lino, avec tous ces rappeurs hardcore, il y aura un blind test dessin animé. Ça n'a rien que l'idée me fait marrer d'avance. Là, faut mettre aussi dessus aussi. Je vais niquer ça. Non, tu sais quoi, je suis sûr, il y en a plein, même si vous reconnaissez, ils vont pas dire. Il y en a plein. Non, moi, je suis sûr, c'est le dessin animé, frère. Eh ben, on va voir ça dans un instant. Bougez pas sur Skyrock, c'est juste après un petit peu de pub et on revient pour le Planète Rap de Lino. Comme toi. Lino a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Lino avec nous entre 20 et 21 avec beaucoup de monde ce soir. Alors, là on essaie de gérer, c'est compliqué. Il y a Libby, il y a Sam qui est dans le coin, il y a Léa Castel qui est là avec nous, Sofiane, yeah. Dossé, Escobar, Maxon, Nak Mendoza. Qui j'ai oublié. T'as oublié, frère. Tu m'as oublié. Voilà. J'allais y venir. Ah non, frère. J'allais y venir. Il y a aussi les gars des Gal et Jekyll qui sont là aussi. Gal et Jekyll. Tequila. Oui. Aussi au micro. Avec un titre inédit, c'est ça? Ouais, j'ai envie de faire une surprise à mon frère. C'est un titre de mon projet qui n'a même pas été encore. Oh, c'est gentil. Tu vois, c'est une petite surprise de. C'est pas moi, Noël, après Noël. C'est une surprise. Et ben, on va le découvrir dans un instant. Juste avant, je vous promets ce quiz depuis déjà hier soir. C'est un quiz dessin animé. C'est parti d'un pari avec Lino qui nous est. Non, avec Calvo. Avec Monsieur Doncal. Cet enfoiré. Bonsoir. Non, t'étais dans le coup aussi, hein. Ouais, j'étais dans le coup. Moi, je suis bon. Moi, je suis bon imbattable sur tous les dessins animés années 80-90. Je suis imbattable. Alibi, ouais, bon 90. Aussi. Si tu mets 2000, je me débrouille. Il y a Monsieur Escobar 90, aussi qui est bon dans ça. Alors, on va voir ce que vous valez. Escobar, il adore Juliette, je t'aime. Je le sais, c'est lui qui me l'a dit. On en parle souvent par chat. Premier extrait, on est prêt ou pas? Vas-y. Bah attention, qui sera le plus fort? Tu fais ton quiz. J'en ai serre. J'en ai. Ça c'est le cas. Tu vas. 1-0. Fallait venir ton destin. Rien sur le beat, il était bon. Putain, Tequila. Calme-toi. Arrêtez. Un point pour Tequila. J'ai 12 ans et demi. Vas-y. Deuxième extrait. Oh, simple celui-ci. Je valide des ailes. Bravo. Non, c'est pas. C'est quoi? Si, c'est ça. Bah ouais, si. Bon, ça c'est plus le deuxième générique. Wow, c'était Bernard Minet qui avait fait le remix. Ouais. Ambroisier, il a vu la guitare sur le. Ah ouais, vous êtes technique en plus. Les mecs connaissent les crédits par cœur des morceaux. Nous ne connaissons que ça. Ah, ça me fait délirer ce gros chanteur Bernard. Ce quiz dessin animé avec Lino. Ouais, mais c'est qui a couf? Non, c'est pas Bernard, c'est Framboisier qui a fait. Excuse-moi, le pauvre nous a quitté il n'y a pas très longtemps. Framboisier, reste une piste. Un gars sérieux avec les musclés, clair. Les musclés, c'était l'enfance de Steve. Bon, alors nous sommes à un partout. Un point pour Tequila, un point pour Lino. Attention, Calbo. Moi, j'attends le dernier qui compte triple. Qui compte triple, d'accord. Troisième extrait, écoutez. Dragon Ball. Il a bourré, regarde donc, elle est bourrée. Sa bouche, elle n'a pas démarré. Stop. Il avait un frein sur la gueule. Et pour qui le point? Il est pour Lino, hein? Non, il a menti. Merci, Lino. Le point est pour Lino. Dragon Ball, merci. Tu gagnes la tablette, attends. Vas-y. Quatrième extrait, on y va. On voit. Olive et Tom. Sofiane a mis un. Il a été rappelé deux pour Lino. Et alors attention, nous arrivons déjà au dernier extrait. Celui qui va. C'est déjà le dernier. Attends, on va pas passer non plus 3 heures sur les animés. Ils ont kiffé. Attends, vas-y. Dernier extrait, ça c'est celui qui compte triple quadruple. C'est celui qui va permettre peut-être de remporter. Tiens, pour l'un d'entre vous, ce soir, comme il n'y aura pas de frissaille par téléphone, la tablette Samsung Galaxy Tab 4 à l'occasion. À l'occasion de la sortie du film Sous X qui est sorti hier, on recevait l'équipe hier. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Go! Il a à moi celui-là. Il a à moi celui-là. C'est qui? Il a à moi celui-là, l'entraîneur. Non, donc quand tu mens, on t'a entendu. Le ralenti. On me dit à l'oreillette qu'en effet, le grand gagnant de ce quiz et qui va repartir avec la Samsung, la tablette Galaxy Tab 4. Non, c'est faux. À l'occasion de la sortie du film Sous X. Monsieur Moclès qui vient d'entrer dans la pièce. Il s'agit, Moclès qu'on salue, il s'agit en effet de Calbo. C'est merci. Lui, une fois de plus. Bravo Calbo. Bravo mon frère. Remets-en un, mon frère. Là, il y a un partout. L'expérience. On passe au freestyle. Allez, maintenant, il est grand temps de passer au freestyle. Mais juste avant, il y a donc ce titre inédit. Ouais, un petit titre inédit de mon projet qui va arriver courant 2015. Qui s'appelle justement Liaison Toxique. Et donc, Lino, t'as pas entendu? Calbo non plus, j'ai pas entendu. Ils ont pas entendu. C'est un morceau assez calme où je raconte beaucoup de choses. Noise, c'est Noise qui le balance? Noise envoie, frère. Allez, Tequila. Le morceau s'appelle J'ai le mic infirme. J'en étais ce que j'aurais dû être, toujours à pousser plus que les autres. Les jours de son accouchement, moi, allait bien faire plus que les autres. C'est là que tout commence, petit jeune d'aller en manque de raison. D'après les rumeurs, y'a des frangins, donc je suis déjà vaisseau. Fuck la tumeur, j'ai le crâne dur et le cœur solide. Ma tronque offrait ma rage, chaque larme fait déborder ma folie. La rue me prend des acolytes, l'alcool nous rend alcoolique. Ça défonce des tailles de rhum en 4 secondes comme de l'huile d'olive. J'ai pas crevé en bolide, mec, je connais la fin du scénar. Pour l'instant, j'ai ma vie en paix, mes filles grandissent peinards. Du dernier d'une meute de loup, bien gardé par une louve. On m'a toujours appris à me battre, à jamais courir comme un gnou. Ne jamais finir à quatre pattes, même quand les circonstances le veulent. Même devant les coups de boîte, l'orgueil fait qu'on ferme pas sa gueule. Beaucoup de mal à faire le deuil, ça doit être plus la mort du padré. Donc avant la montée de l'âme, quand ça va mal, on se réfugie vite chez la madre. J'ai la tête pleine, donc j'ai crié ce qui est boissé. Cette cicade aussi me peine, on avance plus quand le vase est cassé. Plus 15 biches de gang, j'attends plus que les pièces tombent. J'écris cette prose avec mes tripes, en attendant que les têtes tombent. J'ai la tête pleine, donc j'ai crié ce qui est boissé. Cette cicade aussi me peine, on avance plus quand le vase est cassé. Plus 15 biches de gang, j'attends plus que les pièces tombent. J'écris cette prose avec mes tripes, en attendant que les têtes tombent. Mars m'a dit va au bout des rêves, laisse tes postes, ça paie pas. Ils veulent voir que tu crèves, nous voir avancer, ça leur plaît pas. A trop masquer les plaies dès le départ, tu frappes à long feu. Dès le premier coup de feu, c'est avec une balle dans le dos que la putain de course tu démarres. Là si je commence, je posais mes marques, m'introduire dans le game. La talo pente, les yeux rouges comme les complots à game. J'écris les textes, on s'enchaîne dans la chambre, la sueur s'en puait. Ça freestyle, un micro, une chaîne, les vides pleines de buées. On m'a conçu pour tuer, donc j'écrivais par litre. En solo chier les trois couplets, j'aurais pu t'écrire un livre. C'est ça, je te cours pour un hit, on se sur nos premiers titres, la critique, on s'en branle, on continue de bosser nos zigs. La bossise qu'on a insolent, irrésistible, avec bec sous les dojos. Objectif, niquer la ville, mon groupe est sous les projos, sans aucun projet. On squatte les fêtes de quartier, y'a le mic top N, on rejette. J'ai la tête pleine, donc j'ai crié ce qui est boissé. Cette cicade aussi me peine, on avance mieux quand le vase est cassé. Plus 15 biches de gang, j'attends plus que les pièces tombent. J'écris cette prose avec mes tripes, en attendant que les têtes tombent. J'ai la tête pleine, donc j'ai crié ce qui est boissé. Cette cicade aussi me peine, on avance plus quand le vase est cassé. Plus 15 biches de gang, j'attends plus que les pièces. pièce tombe. J'écris cette prose avec maîtrise en attendant que les têtes tombent. En attendant que les têtes tombent. En attendant que les têtes tombent. En attendant que les têtes tombent. En attendant que les têtes tombent. Voilà le morceau de Tequila à l'instant. Ouais, ouais, ouais. Qu'on écoutait donc qui sortira quand? Ça sort très bientôt, courant 2015. Là, je suis encore au four parce que je suis en train de faire une petite stratégie, mon ami. J'ai pas encore fini de faire chier le monde. Donc là, je suis en train de préparer les dernières bastos. Et voilà, il y a le poteau bec sous le site qui est là. Je voulais voir l'arrivée. Je vais voir l'arrivée. Non, je voulais voir la réaction de Lino. Il est où, Lino? Lino, appelle-le, il est sous ton col. Il est parti aux toilettes. C'est moi, je le remplace. On est là, au max. Et non, mais attends, on a perdu Lino. Calbo, les deux, on a perdu. Calbo, il est là. Pas grave, c'est Fianso sur Skyrock. Oui, bah on va partir maintenant donc pour le live avant pour de retrouver. Freestyle, on fait comment? Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt pour le live ou pas? Noise, c'est bon aussi pour toi? A priori, on va rappeler qu'au live, c'est. Ah, tiens, Lino. T'as même pas écouté, je vais te faire agir sur le morceau de ton prochain. T'étais même pas là. Papou au master. Hein, t'as même pas écouté le morceau. Non, si très bon morceau. Excuse-moi, Lino. Tu peux me donner un casque, s'il te plaît? Ah là, Lino, t'as écouté quand même un petit peu le morceau? Non, je connais la force du frère. C'est l'un des meilleurs dans cette merde et je supporte ce qu'il fait. Non, mais t'as posé la question, est-ce que t'as écouté le morceau? Non, il a pas écouté. Ben, j'ai écouté, non, j'ai voilà. Écouté. Et j'adore ce qu'il fait. Tu es fan. Et il me doit du sel. Bon, vous êtes prêts maintenant pour le live? Je sais pas. Bah, si on est parti, allez, Escobar Maxon, il y a Alibi, il y a Sofiane qui est en forme, Dossé qui nous a rejoint, Nak Mendoza, moi, Sams. Je pense en der. Ah, Lino. Allez, Mokles, qu'on salue, qu'on a passé, ça va bien, Mokles? Non, rapport. Oh, frérot. En pleine forme. On est venu soutenir le frangin. Ouais, rapport. Attends, il y a Mokles. Bah oui, je sais. Mokles, on est là en scred. Mokles, il est venu aussi. On est arrivé en scred, ça va tout le monde. Scred comme d'hab. Et toi? Ouais, pépère. T'as eu le temps de une oreille de. Très bon Max, sur. Soutenir la plume du rap français, ça me plaise. Sur l'album Requiem, t'as écouté un petit peu? Ouais, franchement, voilà. Depuis déjà, on avait déjà fait avec le frère Nak Invincible, tu vois. Et puis voilà, là, c'est l'album, la concrétisation du gros projet qu'on attend depuis longtemps. Donc voilà, franchement, d'après les échos, il y a des bêtes de retour niveau vente, je veux dire, tu vois. Parce numéro 1. Écoute, ça, on numéro est tous convaincus. Après voilà, j'espère que j'espère que les gens ils vont être derrière longtemps, parce que voilà, c'est un bon album et le rap français il en a besoin. Et on peut le trouver à la boutique aussi de bientôt il va passer. Tu passes à la boutique Scred ou pas bientôt? Ouais, je vais passer les frères. Hein, 80 rue Marcadet, dans le 18e. 18e 80 rue Marcadet. Tu vas venir faire un showcase? Je suis là, je suis bon. Ah, il est opérationnel. Ok, le frère, mettez-moi mon salaire. T'inquiète, on te met bien. Et on double le salaire, tu sais pas. Je suis un mercenaire. Et on paye en. Non, t'inquiète. Frère. On paye en dinars, ça te va ou pas? Dirham, oui, mais dinars, non. Eh, Besbar, ça paye en dinars. Il a dit M6$ déjà à l'époque. Allez, on est parti pour le live maintenant. Aïe. C'est parti, Noise. Hein? Session freestyle. Non, c'est pas moi. Allez, Noise. Balance le son. DJ Noise. Les images sont sur skyrock.fm, c'est parti. Noise qui aime. Yeah. Yeah. Ok, yeah, Mr. Sam, yeah. Y'a du monde dans le studio, yeah, yeah, yeah, ok, yeah, yeah. J'ai pas dormi de la nuit au quartier, l'atmosphère est sale. En 6 et 9, y'a des perquises et ça, les frères le savent. 2-3 compteurs à relever, au moins il me resterait ça. Prends trop de risques, gros, sur la river, je mise mon RSA. Mais fuck it, une taf et je repars au charbon, les places sautent vite. Les petits qu'on n'ont plus besoin de chaperon, on taque sur chaque rond, plus de respect. Salam, salut, FDP, appuie sur la gâchette comme sur une PSP. Ça part de couille la vie, c'est pas ça, mon petit. Malgré le luxe, toujours la merde, tout nous a. Mais comparé à autre part, on est pas mal outil. Un plan carré, fume-moi ma part, les ongles sont arrondis. L'homme est un loup pour l'homme, tous mes potes ont du vice. La conclusion, je me rends compte, toutes les putes ont des fils. Les ambiances blitz, blitz, blitz, ça devient systématique. Rapproche du 6, 6, 6, ma gueule c'est mathématique. Là où j'habite, personne n'est corda. Quand tu remplis tes poches, obligé de rouler en Rolda. Une Twingo, une Skoda, des soldats formatés à compter les sommes. Par les barcodes au téléphone, mort de voir nos frères compter les sols. Sale journée à bord, mon quartier tout cool. Mes gars sont pas drunk in love, ils sont drunk tout court. Au bord de la falaise, on se pousse tous. Et si t'as besoin d'aide. Dans le cul en guise de coup de pouce, t'as les mariages pour tous, sur tous les fronts car on a trop faim. Yeah. C'est même plus des nuits blanches, au final des pardons sans fin. Personne n'est sain et sauf, hein. Ma gueule que Dieu nous pardonne. Au lieu de rester net, ça préfère des kilos pardonne. Yeah, man. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Wesh le boss. Yeah. Monsieur Bors. 2-0-15. Avec William. Ça fait. Eh. Eh. Je suis né avant du G13 où les flammes abondent l'année du dragon. Issu des couilles de la braise, enfant t'es pas la poutre et de la bombe, comme on dit dans le jargon. Faire rire, je suis pas la pour des lagons, vire rouge, vive, j'accours quand y'a le gong. Je raconte parcours, criminel de l'enfer où je vis. Fais des tueries XL, je suis à la racine. Du mal, mon arme, tu tueries bisexuel et paraciste. En mes femelles, ils passent, mais une grosse basse rend la mort funky. Tueur de mâche, dans la. Écrit par Stephen King, pendant qu'il cherche la veine, je vais en volant sur un son bien gros. Et j'ai promis d'être moins violent, je le jure avec la main gauche. Année Hollande, le sang pisse encore, je fais ma demeure dans une cible. Tu poses sur un de mes sons, tu te retrouves complice de meurtre. L'ennemi me hait, vu que les mots. J'écris des textes à la foudre, incompris comme un arc-en-ciel homophobe. Tout en m'assombrit, je cherche pas s'il a la main à un cœur. Je suis venu chercher des âmes à ton chaud, c'était vide comme au fur et. J'suis autre chose, faire les grosser avec une aisance royale. Le diable fait un procès pour concurrence déloyale. J'suis une expérience qui a mal tourné, j'viens ensanglanté. Vos jolis rêves, moi c'est Bors, nanananana. C'est Johnny Ray, dans la force du nombre, moi Smith et Wesson. J'donne un vrai bat quand j'parle à la troisième personne. Ce rap résonne, on dit que la violence est l'argument des faibles. Moi j'ai juste un faible pour la violence. Bors. Oh, tu l'as calé. Un, check. Y'a du monde ou pas? Un trappiste. Yeah. En concert. Tiens. Y'a Sophia qui trépigne. Calme. Oh. Rate par frisson, frappe par raison, traque l'oppression. Négro, je suis fait pour une mission. Black ambition, braque l'horizon. Révolution, mère mérite moins la prison, c'est bon. Enfin, je suis pas de glace pour faire genre. Des personnes, je ne mets pas dans le bon sens de l'effort. La violence règle un trop de frères que je déplore. Demandez à ce qu'on qui a égorgé la poule aux yeux d'or. Me comprends qu'on les initie. On s'est mal compris, je suis là pour changer personne. Moi, j'adore ces frères, sonne pas du genre à laisser pisser dans un monstre. J'en grandis, la vérité impressionne. Rien, tout part en vide. Reste les sons, qui joue au pequeño, finis juste par ami. Grand bizarrement, on cherche la belle vie dans un monde qui s'ajoute au digirer. Bah tiens mon nom, faut que je paye des droits de l'homme. Tiens là t'as tes voir comme je suis plutôt mûr. Je peux être câlin comme instrument de torture. Un gars bien dans le père égale le côté obscur. Faut que le trône c'est faux d'un mec de côté du mur. Main sur le mur, j'ai rien dangereux à part mon veau serré, ma Black Panther allure. Vas-y censure, vendre la survie, ouais c'est dur la vie. Si ce n'est pas le cas c'est que t'as donné ton cul. Je compte pas les obstacles, même si c'est la mode. Truc m'en tape pour la daronne, oui les femmes j'adore. Fais-moi signe, peu importe l'arôme, la madame. Passe, on d'avant, on en paie la somme. Faut changer la donne, inverser la vapeur comme si James Bond. Vos rappeurs, j'ai prends cul. Yes. Alerte info aux fanas du net. Préparez-vous bientôt sur l'expérience du siècle. Au max. Cheers. Yeah. Il yeah. Yeah. La mettra un peu Bors. Dédicace. Ok. Lino dans les bacs. Yeah. Yeah. Yeah. Frappe pose mon sauce. Yeah. Yeah. Ville est le bel. Yeah. Écoute. Yeah. Yeah. Tant qu'on a parlé de ville et belle, tôt ou tard, après se niquer les émeutes, là c'est Fab cause bâtard, rap de célibataire, donc je parle de placard, de bagarre, toi tu comprends pas, fais pas dépendre des trois gars, je traîne avec deux trois gars, on n'est pas dans le swaga, j'arrive dans le rap, pris pour que toi tu n'y sois pas, je recule de trois pas, j'ai pas peur, ne crois pas, c'est juste pour recharger mon gueule et t'allumer ton barba, remets vite ton barbale, je suis de ceux qui ne parlent pas, depuis les émeutes, ta ville et belle, ça sent la barbac, rap t'as les barbares, je traîne pas dans les barcas, je traîne au 36 avec Hector et Poto Baka, petit au placard, on veut pas de la placard, nous on veut des teams sous l'oreiller, demande à placard, le gain est de retour, juste n'a plus de 13, MC des stress, là c'est calme, je suis les contours. Dans pas longtemps, la boule à jette, j'ai la dalle, raboule à siège. J'ai besoin d'une couverture, c'est tensé, mais pas pour la tête. Igo, j'ai vu trop de choses, la rue peut pas le changer. J'ai pète le disque d'or, j'ai investi sur le terrain du quartier. Ça fait longtemps que je kiffe le peur à jamais. Pour que Bouska peut me filmer, faudrait que je bois comme c'est pequeño. J'ai pas que je suis meilleur, mais tu vois, j'ai le niveau. Tu demandes, ça vient d'où de ville et belle école à Lino. Yeah, Fab Cost, mon sauce, ville et le bel. Si, si. 95 pour mon gars Dauphré. Ville et belle. Let's go, let's go. Ma parole. Ok. Allez, bim, Montana. T'as ma parole. Eh. Hey. T'as ma parole. Je fais tous les baisers. Leur rouler dessus en 4x4, les écraser. AKKK47 dans leur mère. Mes premiers coups ne datent pas d'hier. Train de Maccabée dans le froco. Boucherie, tu ris le tout nouveau flow. J'avais du buzz avant like et tweet. Demande à ta mère et suce la bite. Y'a l'accent de la calage, négro. J'ai su le toujours ghetto, négro. Combien de fois j'ai posé dans leur pute. putain d'album pour épauler ces putains de chiens. Qu'ils me regardent dans les yeux et disent devant tout le monde que je n'ai pas aidé ces putains. Endaout, Bouscapé, j'en ai tellement aidé, je peux pas tous les compter. J'ai fait le travail d'une ONG. Ferme ta gueule, je vais t'enculer. Le rap est mort, je l'ai tellement réparé. Monteur, HSP déjà pareil. J'étais la menace et le record. Ils se faisaient des beats quand j'étais hardcore. Ceux qui ont eu de la promotion ne m'aiment pas. 9 mm dans le cul de ces vautrins. Ils ont de la rancune, j'sais pas moi pourquoi. Ils ont tapiné comme des putes dans les bois. J'parlais hip-hop comme un crève la dalle. Sans voir le pied de ces grosses pédales. Sans avoir un cabot dans leur trou de balle. Il leur faut calager hôpital. Allez B, calager hôpital. Allez B, calager hôpital. Allez B, qui aime. Si si. L'album. Si si, Alino. Monsieur Nak Mendoza. Monsieur Nak Mendoza. Ok, ok. Monsieur Nak Mendoza. Ok, check. Yeah. Évidemment ils ont un cœur donc tous pardonnent. Mais dans leur putain de monde, Monsieur Drummond touche Arnold. Une barbe et la foi, ça y est, t'appelles ça la fils. Ce que t'appelles la paix, les vendeurs d'armes m'appellent ça la crise. On se connaît tout, m'appelle pas Narcisse. Vous comprenez tout, de travers, vous tapez pas la fiche, reprenez-vous. Ton petit cœur, cette billette, est parti avec, y'a rien, ça ira. Bapilla, vos appia, wow. Ils te remusent profond, t'as des cloques sur la nuit. Pire, elle m'étonne, un jour y'aura des tags aux cloques sur la lune. Fuck ton GRC, même si c'est dans l'ordre. C'est injuste, tes mains sont faites pour la merde, elles sont dans l'ordre. Ça, tu es Mendoza. DJ Noise, DJ Noise, laisse celle-là. DJ Casagix. Ça inspire, ça inspire. Escobar Maxson, hein. C'est de l'obèse, viens vous aplatir. Comme un panini, ni pas ni problème, sangoni, ni rappeur solo, tu connais pas, pas d'amis. Pendant que ça donne sa langue au chat, je préfère les fouetter. Maquis la musique unie pour notre meilleur et pour ton pire, je préfère les fouetter. Un texte écrit. Respecte les originaux, pas les Mick, Milky Way, les Ricky Rosette. Hein? Yeah. On poursuit, on continue. Ok, ok. Hein? Changement d'instru, s'il vous plaît. Yeah. On va refaire ça. Okay. Calmement, Max. Posément. Dédicace à mon petit frère Kamikaze. Ah, ouais. Libéré Kamikaze. Manu! Famille M. Achetez-le, achetez-le, Requiem. Let's go. Faites du boucan. Ok, ok. Ok. Grégo Max, c'est qu'est la gâchette. On est prêt, à ce qui paraît, prendre des profs trop connus, c'est pas bon signe. Les gros mages m'en bat les couilles, je fais le peur à ma sauce. T'es pas content, je te baise. Y'a pas de règles pour se merdier. Tous les coups sont permis gros, même les coups bas mon négro. Pourquoi tu me casses les couilles? N'écoutez pas tout ce qu'on dit. Ça reste que du peur. Même mon ghetto en raffole de toutes ces putains de légendes. Persuadé qu'il y a des gangsters dans ce putain de merdier. Demande d'abord Salino, nous on bosse avec les mots. Bah les couilles de ton avis, les Valdoises de retour. Mauvaise nouvelle pour toi. Attends, attends, excuse-moi. Deux secondes. Vas-y. Un. On poursuit là. Il y a un pneu qui avait crevé. Ok, Cristal Fétiche. C'est comme ça qu'on fait ici. On est tous ensemble pour faire un grand boucan pour Eliano. Si, si. Un. Ouais, c'est reparti. J'en mets dans la tendance, toujours dans la bonne direction. On se crève, ça fait. Faut jamais prendre les gens discrets pour des tapettes. Écoute ça, j'en mets dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Pour Ellie N.O., ça fait. Hey, je suis mon chemin, sans guide du routard. Je suis tellement un ancien que j'intéresse plus les cougars. Il est jamais trop tard pour ceux qui viennent de me connaître. Je suis une bonne surprise, pas comme une rencontre sur le net. Non, je n'ai pas peur de les offenser. Crains pas que ma carrière s'arrête, elle n'a même pas commencé. Je débarque en scred, me fais remarquer dans le peur. Comme une boule puante dans un Sephora. Viens pas me check si c'est juste pour gratter un feat. J'ai donné du crédit à des chiens qui ont tapé la fuite. Oh, ils me taillent par derrière, mais dès qu'ils me voient, ils me check. C'est des guesmer, on fait des icebergs, des mille chèques. Si tu veux avancer dans le rap, prends du recul. Si tu veux avancer dans le rap, prends du recul. Eh ouais, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction, garçon. En parlant de gueule, tu sais que ça reste gangster dans la tête, me dit pas la c'est que notre gueule, que ça t'a le style du gueule, mais le style du gueule de ma gueule, tu sais que ça permet des gueules, mais toutes les michetonneuses et les mitraillettes et les bitches, c'est ce qu'elles veulent. Avec le convoi, le décolle, paf, le smash. Je connais la roue, la pita, bébé, crabe, tu fais que devant, pas avec, tu t'y fais qu'à la dupe, tu sais pas, t'es en GAB. Attends, quand tu fais quoi de l'état, mais je la fais, je la prends, inquiète-toi pas. En fait, je la fais, c'est pas pour te tirer ma main, t'inquiète, mais pas. Donc, il là, mais t'inquiète, Lino, il est là, c'est ça. J'explique les choses cette année, mais le rap est français, bah, c'est faire pas ça, mais pas ça. On a le son qui sonne, donne, qui faisait des tonnes, mon crop, c'est style, donne. Demande même à exercice de style, style. Maîtriser le mic comme un sabbat, croire que des proches le savent que c'est bon de faire des points, ma gamme. Bra! Je dépile des points, je débarque, d'abord, je t'en parle, que des MC débarquent. Dans le rap est français, mais c'est moi. Bravo, mon. Ça fait, voilà ce qui t'a dit, et qui aime dans les bacs. Nice. Come on. Yeah, calme tout le monde. L'équipe est chargée. L'équipe est chargée. L'équipe est chargée. L'équipe est chargée. Je pas trimarque, faut faire attention. Siroti parfait, tourner la potion. Je me fais péter, hype, je ressors des masses. C'est Neymar qui a payé la caution. Je vais relancer la guerre de là. Trafic gros, ça perd de l'âme. Je redémarre tranquille, guille gros, tu pousses ton kill ou tu niques ta mère de là. Bang bang, bye bye, OJTT. Blessé 9-3 jours, JTT. J'ai fini, j'ai viré. Demande à geek, ça s'en bat les couilles, JTT. T'avais oublié, t'avais oublié. Comment je suis chaud, gros, t'avais oublié. J'crois que je vais tout plier, j'crois que je vais tout plier. Pour sortir de sur, j'ai juste à mesure des coupiers. Faire briser, oh mort, tu vas me gaucher, oh bon, je vais te niquer ton père, tu vas chanter, papa où t'es avec trop mort. C'est le 3, ça va vite, sur la carabine du placard, ça va vite, écrase mon tête sur tous tes espoirs, sur toutes les anciennes gloires de la rue, t'as ma bite, tourne pas les mots, je vais te briser, c'est le terme, mes 50 grammes dans le disque dur externe, j'rappe sur des gyros, appelle le reste, ici baisse, parce que le mal qu'un fond de gyros, je vais leur faire un western, j'ai des bords d'un hôtel, si je veux un feat, j'appelle sur mon fantaisie, si t'as trouvé un beat, une guitare, si cherche un hit, rajoute un peu de fiam sur dans le cocktail. Envoyez vos champions. Pour les filles, tu opens. Que des coquelets, je te raconte pas l'aubaine. Laisse-moi conduire, qu'est-ce que c'est de construire. Ferme ta gueule, con, passe la balle à Robin. En fait, je galère, j'ai des coups de blues. J'ai faim de personne, remballer les coups de pouce. Je découpe tous, je découpe tous. Sur la tête de ma grand-mère que je découpe tous. Faut le croquer, ok, je crois que lui il est trop chaud, faut le droguer. Regarde les petits, j'arrive en I, en raptor quad, homologué. Transact narcotique dans mes CD, on va pas d'aide, personne va venir t'aider. Je fais pas de politique, pas de rap prophétique, attaque soviétique sur ces PD. On l'avait en caillou, en caillade, en cahier. Pas parce que tu sais pas, pas que c'est pourri. On l'avait en voyou, en faillade, dans le bail. Je crois sans l'étoile à la fégoulie. On va passer par la force, j'ai v'là la connexe, on va passer par la Corse. Je vais cacher la plaie, un stepper à lance roquette, tu vas champion sur la tête, du dernier qui me rapporte. Ça envoie du gros son balai, tous les pianos, VHR promo, tourner piano. Tu savais, si tu savais, braqueur de sa sème à la Tunisiano. Si j'aurais su, j'ai vite, tout ça chérie, mes potes, pourquoi tu m'aimes pas? Là, tu m'appelles même pas, on te remet, tu m'aimes pas, il s'appelle tard le soir, en gros, ça suce des bites. Je prépare mon prime, gros, escape à ton taille, garde son man, il est qui m'accompagne. Le prochain fiche de pute qui prononce l'action, on est ensemble, bébé, tu l'es dans le vide, sur le pic de la montagne. Garde vos récits, je fais des rangées, que t'as ici. Quand je revois la haie, que te renvoie la cesse. Le tir c'est précis, sur terrain c'est Chelsea. Bang, bang, bang, bang, j'envoie la même derrière. Deux fois dans les rues du 9, crois qu'il eut cru. Jusqu'à derrière, s'il te plaît, me parle pas de rue. Je me suis fait tirer dessus, la semaine dernière. Écoute pas en B4, je vais finir dans le rond-point. J'ai pris de la charme, un peu dans mon point. Comme dame la médaille d'organe. Dorémy, je suis organe, j'ai vu mes organes. Il crame sur le bon coin. Ça arrive toujours pas du haut, je les sens. Ça demandera pourquoi t'es toujours plus haut, redescend. Le buzzer renaissant, on veut des clients récents, des billets fluorescents. Fais couler tout là-dessus dans les clubs d'un. Y'a pas de gazier, on rentrera bien sans. Je peux te confier, j'ai des potes en convie. Qui t'arracherait ton billet pour une paire à 500. En banlieue de Paris, ça découpe, coupe, coupe, coupe. C'est la famille, 45 000 euros pour monsieur Borst. Brrr, brrr. Ok. Ok. Ego, on crève pour des questions d'ego. P38, de roue casque intégro. Baise la vie en mettant ce qui nous reste de principe. Et la ficelle sur le déco. Yeah, bap tout rap, ça négro. Ego, y'a plus de race quand il s'agit de faire ce bif. Si je pète le score, j'hésite entre deux choses. Me faire allonger le gang ou refaire le bif. Yuri, Orlins, 45, Nesby, Police, Balance, Plante, Transac, Loki, 40, Flingue. Dites aux autres teams, Claire, Darren, Stringue. Que des rats au visage marqué. Que des regards froids, des traits durs. Dis-moi lequel de nous tu comptes. Barbé, on est croyant mais pas crédule. J'ai jeune, black et déter. Ego, j'peux te caner pépère. Ego, toute la rue se le demande. Comment je suis si talentueux que j'ai jamais ses pères. Ego, j'ai déjà le respect de mes pères. Ego, bon qu'à baiser des mères. Ego, naître, vivre, caner. En ayant mené, gagner des guerres. Ego, donc c'est la famine, 45 Orlins. Monsieur Borst, monsieur putain de Borst. C'est la fin du freestyle, merci Arto à vous, désolé, gang. Désolé, mais... Putain, c'est de l'antisémitisme, ça. On voit vos messages. Allez, va manger le micro. Merci à vous, en tout cas, merci à vous tous pour cette soirée, merci. Merci pour cette session live, merci Lino. Vous avez dit que Sofiane était un problème. Ouais. Merci en tout cas pour cette soirée. Je vous avais dit que Sofiane était un problème. Lino, demain, on revient avec une grosse soirée pareille. On va faire un concert demain soir. Je remercie tous les frères qui étaient là. Ouais, merci à vous tous. On a kické ça frais. Et c'est sérieux. Et demain, le retour entre 20 et 21, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Yes. 2015 démarre bien. Ah, mais un cousin. Skyrock t'invite sur le Cosmotour de Soprano dans toute la France. Et la roulette qui va tourner avec Marine de Châlons-en-Champagne, ça va bien Marine ? Ça va bien, et toi Fred ? Prête à faire tourner la roulette dans ce Planète Rap ? À fond. Et bah on y va vite, il y a 10 foules juste après, c'est parti, dès que tu veux tu dis stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Mais là, elle a tout, là. Ah bah, c'est Soprano. La tournée de Sopra pour toi. Il y a 2 places quand il passe près de chez toi. Aïe. C'est pour toi, Marine. Ah, trop bien. On te fait plein de bisous. Passe une bonne soirée. Ouais, je peux passer une dédicace, tu sais. Vas-y, ouais. Vas-y, dédicace à Lino. Ouais, merci, sœur. À tout le monde, à l'équipe et tout. Vas-y, Istres, ma ville natale. Et puis voilà, dédicace à Chalon, à tout le monde. Merci à toi, bisous, passe une bonne soirée. Merci à vous tous, Lino. Yes, demain, 20-21, le retour avec l'album Requiem qui est toujours en demain, on va essayer de faire un truc un peu spécial. Un concert en live. Ne loupez pas demain. On va faire ça d'une manière façon jambon. Jambon d'York. Et merci comme à vous dit tous. Claude Nougarou. Merci Lino, on va retrouver D-Fool maintenant. Attends, mon frère, il y a les dates pour Jama. Jama qui était là hier. Et ben on les file demain. On est en antenne demain. J'ai l'impression qu'il y a des frères qui ont des trucs à lire. Il y a de la promo à droite. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben non, j'ai pas rappé. C'est de l'antisémitisme. Oh, est-ce qu'on t'a pas rappé? Ma parole, j'ai pas rappé. J'allais rapper. Mets un acapé là. Non, on a plus le temps. Désolé. Il a une dédicace rapide. Vas-y, rapide. Voilà. Tous les mecs qui sont au placard. Hein? Comment il s'appelle le mec? Non, tranquille. Gainsbourg, tous les mecs qui sont Tchexo, les mecs qui sont à Fleury, Viltaneuse, Somerset et Kodibossard, Makila Music. N'oubliez pas, demain, il y a le concert Bad, Cryogène, ensemble. Maxime. C'est comme ça qu'on fait ici. Merci à vous tous. On retrouve D-Fool sur la Radio Libre. Merci Fredo. Et une belle soirée qui commence la Radio Libre dans un instant sur Skyrock demain soir. La dernière à pas louper après les 15 jours de Lino. Ce sera sur Skyrock et dans un instant aussi. Et ben c'est parti pour une grande soirée. C'est parti pour Black M qu'on va écouter avec Je garde le sourire. Premier son de la Radio Libre. Tout de suite sur Skyrock. Merci Fredo. Merci Lino. Ciao. À demain.